Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Boum bomo, musique française curieuse tous les mercredis soirs sur Prune 92 FM. Ce soir, on diffuse une très jolie sélection d'Arthur Lastman. Alors c'est vrai qu'à Nantes, on connaît un peu mieux son acolyte, Stebdo. Ce sont eux, Arthur Lastman et Stebdo, qui organisent les soirées Into the Deep à Paris. Ce sont eux aussi, évidemment, qui dirigent le label du même nom, sur lequel ils s'apprêtent d'ailleurs à sortir une très jolie compilation reggae. Bref, on ne le connaissait pas beaucoup, Arthur Lastman, alors on a décidé de faire connaissance et il nous propose ce soir un mix francophone et français très lent et très doux, avec des productions pop de la fin des années 70 et aussi quelques morceaux plus synthétiques de la décennie suivante. Arthur Lastman représente Into the Deep dans Boum Bomo ce soir. Bonne écoute, à la semaine prochaine. Thank you. comme un souvenir de notre cadeau maudit. Puis un nous signe et parti d'Alcatraz dans la chaleur. Oh. Afrique, Saint-Malo, Jamaïque, il y avait des flingues sous les barriques. Complice, métisse, je glisse et je jongle, métisse. Je rêve d'un soleil caressant ma peau. Mes paris m'éveillent en sursaut. Oh, oh, oh, oh. Porte d'Auteuil ou porte des lilas. Dieu que c'est loin de Panama. Porte d'Athènes. Le parfum des villes, le chant des autos, ma vie défile dans mon rétro. Je n'ai du soleil. Loin de Rivoli. Le parfum des îles. Thank you. les BG. Et puis il y a moi, un peu fêlé. On peut pas dire, a priori, que nos concepts soient assortis. D'abord y a vous, BCBG. Et puis y a moi, un peu fêlé. On peut pas dire a priori que nos concepts soient assortis. Mais comme ta bouche me fait voir rouge, et comme tes yeux ne sont pas bleus, parce que ton corps cache un trésor, et que dans tes mains je lis mon destin, y'a pas d'erreur. Hector, histoire de corps. Bien sûr, c'est sûr, un tel mélange ne saurait être béni des anges. On peut pas dire a priori que leur concept soit permissif. Mais comme ta bouche me fait voir rouge, et comme tes yeux ne sont pas bleus, parce que ton corps, oh oui, j'adore. Mes mains suivent leur chemin, y'a pas d'erreur. Hector, histoire de corps. Y'a pas d'erreur. Hector, histoire de corps. Et zut, et flûte, v'là vos neurones. Qui charicrotte, on peut pas dire a priori que vos concepts soient très ludiques. Alors y a vous, BCBG, et puis y a moi, toujours fêlé. On peut dire que les cieux, que dans nos corps ça coule de l'or, qu'entre nos mains glisse le destin, y'a pas d'erreur. Hector, histoire de corps. Y'a pas d'erreur. Hector, histoire de corps. Parce que ta bouche me fait voir rouge, que dans tes yeux se reflètent les cieux, que dans nos corps ça coule de l'or, qu'entre nos mains glisse le destin, y'a pas d'erreur. Hector, histoire de corps. Y'a pas d'erreur. Hector, histoire de corps. Y'a pas de malheur. Y'a pas de raison, Gaston. C'est si bon. Y'a pas de lézard, Edgar. Hein? À plus tard. Je lis un été sans histoire dans mon orange bleu. Dehors le ciel est au plus noir, il pleut. Et le temps passe au rythme tic-tac du réveil. Mes rêves patouchent dans des flaques, flaques de soleil et je m'endors. Et je m'endors. J'écoute la ville prendre le soir dans mon orange bleu. Les klaxons jouent comme des guitares. Un peu. Et le temps passe au rythme des pneus qui bavardent. Mes yeux voient un rayon de jour, jour qui s'attarde. Et je m'endors. Et je m'endors. Je fume des herbes bizarres dans mon orange bleu. Des herbes bleues, des idées noires, du feu. Et le temps passe au rythme du souffle un peu triste. Mes mains sous la couverture bleue, bleue s'engourdissent. Et je m'endors. Et je m'endors. Je lis un été sans histoire dans mon orange bleu. Dehors le ciel est au plus noir. Il pleut. Et le temps passe au rythme tic-tac du réveil. Mes rêves patouchent dans des flaques, flaques de soleil. Et je m'endors. Et je m'endors. Et je m'endors.